où je vais, prendre un nouveau départ. Là où je vais, tu seras mon seul rempart. Là où je pars, tu seras ma seule joie. Là où je pars, je serai à toi. J'ai fait mon choix et mon chemin. Il n'y a plus que toi, ma main dans ta main. Mettre ma robe d'été sur mon lit préféré. Danser sous les cocotiers et vivre sous les palmiers. Viens avec moi, la la la la la. Viens avec moi, la la la la la. Laisse-moi t'emmener là-bas, la la la la la. Tu t'y plairas, la la la la la. Là où je vais, vers d'autres horizons. Là où je vais, parcourir d'autres saisons. Là où je pars, on prendra un bateau. Là où je pars, je mettrai mes pieds dans l'eau. Courir les pieds nus sur le sable. Marcher vers l'inconnu, rester stable. Dans un endroit uni, un goût exotique. Loin du monde m'évader. Sur cette île m'isoler. Viens avec moi, la la la la la. Viens avec moi, la la la la la. Laisse-moi t'emmener là-bas, la la la la la. Tu t'y plairas, la la la la la. J'ai envie de prendre l'air, sans regarder en arrière. Et aller de l'avant, avoir les chevaux au vent. Partons, ne perdons pas de temps. J'ai trouvé mon équilibre. Enfin je me sens libre et je suis éveillée. À quoi bon rêver quand votre vie est un conte de fées. La la la la la. La la la la la. La la la la la la. La la la la la. Viens avec moi, la la la la la. Viens avec moi, la la la la la. Laisse-moi tomber là-bas, la la la la la. Tu t'y plairas, la la la la la. Viens avec moi, la la la la la. Viens avec moi, la la la la la. Laisse-moi tourner là-bas, la la la la la.